Je m'appelle Michael Scott. Je suis historien et passionné par l'Empire romain. Et sans le vouloir, au départ, cet empire nous a laissé une religion, le christianisme. Aux yeux des chrétiens, l'élément fondateur de leur foi est un événement, c'est la crucifixion. Aux yeux des Romains, en revanche, c'est un simple détail dont on ne retrouve même pas une mention dans leur recueil d'histoire. Et pourtant, malgré deux perspectives aux antipodes, on trouve la même conséquence. La christianisation de l'Empire romain. J'ai toujours été fasciné par le fait que cette histoire épique avait eu une seule et même conséquence, mais deux traitements historiques souvent opposés. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Et comment cet homme est devenu cet homme. Nous sommes à Jérusalem, il y a 2000 ans. Un prophète juif annonce la destruction imminente du temple de Jérusalem, lieu sacro-saint pour le peuple juif. Ce prophète s'appelle Jésus. Les autorités romaines voient d'un très mauvais œil cette prophétie apocalyptique. Jésus est torturé. Il est reconnu fou. Et il est remis en liberté. Jésus ben Ananias s'avérera ne pas être le seul Jésus de ces temps troublés. Parmi les nombreux hommes saints du 1er siècle avant notre ère, un autre Jésus a existé. Celui-là était originaire d'un village de Galilée, Nazareth. Prophète juif issu du bas peuple, il provoquera lui aussi la colère des autorités romaines. Son destin n'aura rien à voir avec celui de son homonyme. Les témoignages nous racontent qu'autour de l'an 30 de notre ère, ce Jésus a vécu la pire mise à mort que les Romains réservaient aux non-Romains. Il a connu une lente agonie insoutenable, cloué au sommet d'une croix de bois. Un traitement réservé aux criminels de droit commun. C'est un des symboles du christianisme. L'événement clé dont tout le reste découle. Ce qui demeure un mystère à mes yeux, c'est la façon dont un homme et une poignée de disciples ont pu engendrer un mouvement religieux majeur qui allait conquérir la moitié de la planète. Israël semble un point de départ évident pour mener l'enquête. C'est à l'école médicale Sackler de l'université de Tel Aviv que se trouve le seul vestige archéologique d'une crucifixion. Le professeur Israël Herskovitz est anthropologue médico-légal. Il va m'aider à comprendre pourquoi on crucifiait les criminels. C'est l'un des vestiges archéologiques les plus précieux qu'on ait jamais trouvé. Car c'est la seule preuve de crucifixion en notre possession. Prodigieux. Je vois le clou, mais dans quoi est-il planté? Attendez, vous y verrez plus clair avec cette maquette. En fait, le clou traversait l'os du talon de part en part pour maintenir le poids du corps. On le plantait depuis la face externe et il ressortait à l'intérieur du pied. Sous l'os, il y a une partie charnue assez épaisse. Il ne fallait pas manquer son coup, car si le clou traversait seulement la chair et manquait l'os, les pieds ne tenaient pas sur la croix. Ça signifie donc que les Romains ne faisaient pas ça par hasard, mais étaient passés maîtres dans l'art de la crucifixion, c'est ça? Ils savaient où planter les clous? Ils étaient très précis. De vrais professionnels. Tout à fait. Qu'est-ce qui entraîne la mort lorsqu'on est crucifié? Ça dépend de la technique, ce qu'on est incapable de déterminer aujourd'hui. Pour ce faire, il faudrait connaître le type de croix employée. Avait-elle une forme de T, de X, ou était-ce un simple poteau de bois? Aucune preuve formelle ne confirme que Jésus ait bien été crucifié sur une croix en forme de T. Cette représentation du Christ ainsi crucifié apparaît pour la première fois un siècle et demi après l'événement. C'est néanmoins l'hypothèse la plus communément retenue. Prenons l'hypothèse la plus communément admise, c'est-à-dire la forme en T. Dans cette position, le crucifié se déshydrate rapidement et a de plus en plus de difficultés à respirer jusqu'à ce que l'asphyxie provoque un accident cardiovasculaire. L'idée première était de prolonger le plus longtemps possible l'agonie du crucifié. Tout l'intérêt était d'humilier le condamné. S'il mourait au bout de 20 minutes, la crucifixion ne remplissait pas sa fonction. Si le but était d'exécuter quelqu'un, il suffisait de lui trancher la tête d'un coup d'épée. Alors la crucifixion était un supplice terrible qui devait inciter les gens à réfléchir à deux fois avant de défier la loi romaine. À la fois punition et moyen de dissuasion ultime. De quel affront Jésus s'est-il rendu coupable pour connaître un tel destin? Ce que je peux affirmer, c'est qu'on pense souvent à tort que les Romains étaient intolérants envers les autres religions contemporaines de leur empire. Les Romains vénéraient de nombreuses divinités. Ils étaient ce qu'on a coutume d'appeler des païens, un terme insultant que les chrétiens inventeront ultérieurement. Mais à l'époque, les Romains se montrent plutôt tolérants envers les autres courants religieux. À condition, et c'est le point important, qu'ils ne perturbent pas la paix romaine et encore moins leur autorité. J'en conclus que le comportement de Jésus et de ses disciples a dû être grave. Pour en avoir le cœur net, j'ai posé la question à une experte du Nouveau Testament, le professeur Ellen Bond de l'Université d'Édimbourg. Ce qui préoccupe et déplaît fortement aux grands prêtres dans l'attitude de Jésus, c'est notamment le fait qu'ils viennent manifester dans le grand temple pendant la fête de la Pâque juive, renversant les tables de compte des agents de change et invectivant les vendeurs d'animaux que les croyants offraient en sacrifice. Je connais l'importance du temple de Jérusalem pour les croyants juifs. Mais je n'avais pas pris conscience qu'il était considéré comme la véritable maison de Dieu sur terre. Durant le premier siècle de notre ère, Jérusalem fourmille d'activités pour les fêtes de Pessa, la Pâque juive, qui attire une marée de pèlerins venus visiter le temple. Jésus et ses disciples viennent manifester pendant une fête religieuse. Et même si le désordre qu'ils causent est assez anecdotique, les grands prêtres craignent que ce petit groupe d'individus finisse par prendre confiance et revienne perturber les festivités. La solution évidente à leurs yeux pour éviter cela est d'empêcher Jésus de pénétrer dans l'enceinte du temple. Et c'est précisément à cela que les Romains vont servir. Malheureusement pour Jésus, il a mal choisi son moment. La région où il a grandi est loin d'être stable à cette période. Et voici en quoi c'est important. L'Empire romain est immense à cette époque, comme on peut aisément s'en rendre compte sur une carte. Et voici Rome, et voici grosso modo les frontières de l'Empire romain. La province de Judée est ici, et c'est là que Jésus grandit. Pile à la frontière entre l'Empire romain à l'ouest et l'Empire perse à l'est. En maintenant son contrôle sur la région, Rome avait la main mise sur la mer Méditerranée, pouvait repousser les Perses en cas d'attaque et protéger son empire. Pour ce faire, Rome avait placé sur le trône un homme de confiance, le roi Hérode Ier le Grand, lequel a parfaitement rempli son rôle durant 33 ans. Après sa mort, l'empereur est obligé de mettre en place un gouvernement romain pour contrôler la région, ce qu'il fait autour de l'an 6. Pour cela, il lui faut mater plusieurs rébellions et crucifier environ 2000 personnes. On comprend mieux pourquoi les Romains étaient particulièrement soucieux de ce qui pouvait se passer dans cette région, située aux confins orientaux de leur vaste empire. Ajoutez à cela le fait que les autorités religieuses du temple voient d'un très mauvais œil les activités subversives de Jésus. Et on comprend mieux pourquoi il devient urgent de l'éliminer purement et simplement. Le gouverneur romain Ponce Pilate est le garant de la loi romaine. La mission de Ponce Pilate à Jérusalem est de maintenir la paix. Il n'a certainement pas fallu beaucoup d'efforts pour le convaincre que la meilleure façon d'empêcher Jésus de troubler l'ordre public était encore de s'en débarrasser. Il n'a sûrement pas hésité longtemps avant de le clouer à une croix. Voilà donc la raison de cette crucifixion. C'est un acte politique, pas la conséquence d'une persécution religieuse. Jésus est reconnu coupable de sédition, autrement dit, de haute trahison envers l'Empire. La sentence pour un tel crime est la mort, et comme Jésus n'est pas citoyen romain, il sera crucifié. De nos jours, beaucoup de gens s'attardent sur le fait que les historiens romains mentionnent à peine sa mort. Mais replaçons-nous dans le contexte de l'époque. Jésus n'est pour ainsi dire personne. Il aurait finalement été plus étonnant qu'on parle de son exécution que l'inverse. D'ailleurs, suivant la logique romaine, la crucifixion de Jésus aurait dû lui faire perdre tout crédit en tant que Messie. Pourtant, l'effet inverse s'est produit. Dans la société romaine, la façon de mourir en disait beaucoup sur un individu. Pourtant, la crucifixion de Jésus ne lui fera pas perdre grâce aux yeux de ses disciples. Je suis dans la Via Dolorosa, la voie de la souffrance ou chemin de croix. C'est la rue que Jésus a gravie, portant sa croix jusqu'au lieu de sa crucifixion. C'est un des lieux les plus sacrés pour les pèlerins chrétiens. Pourquoi ? Parce que le supplice de Jésus va devenir une des fondations du christianisme. D'un point de vue historique, ce qui fascine le plus dans le parcours de Jésus, ce n'est pas qu'il ait pu s'auto-proclamer Messie ou que ses disciples lui aient attribué ce rôle. Ce qui est étonnant, c'est que son groupe de fidèles n'ait pas disparu après sa mort. Étonnant, en effet. J'y vois un des tournants majeurs dans l'émergence de cette religion. Et on le doit en partie à un homme que beaucoup d'entre nous connaissons. Je suis sur les hauteurs d'Éphèse, en Turquie. Cet homme serait venu ici, comme en atteste une représentation, datant du 6e siècle de notre ère. Ces fresques dateraient du 6e siècle après Jésus-Christ. Elles ont 1500 ans, vous imaginez ? Elles figurent sur cette paroi rocheuse depuis la nuit des temps. Et voici notre homme mystère. P-A-U-S. L-O-S. Paulos. Autrement dit, c'est l'apôtre Saint Paul. Si l'on en croit la Bible, Paul, jeune juif fervent et zélé, est en route pour Damas lorsqu'il a une vision de Jésus. C'est une véritable révélation pour Paul, qui ne se contente pas de se convertir au christianisme, mais dont le rôle va s'avérer déterminant pour que l'humiliation de la crucifixion de Jésus devienne le symbole du sacrifice du Messie. Paul va entreprendre de répandre son message. Et une chose va grandement faciliter sa mission. Paul était citoyen romain. Il jouissait donc d'un certain nombre de droits et de libertés sur tout le territoire de l'Empire. D'ailleurs, c'est la prochaine étape de mon enquête. Être citoyen romain est une sorte de Graal au sein du vaste Empire. Si Jésus l'avait été, il n'aurait pas pu être crucifié. Un citoyen romain a le droit de vote, il peut faire de la politique. Il a des droits légaux et civils. En somme, ce statut garantit une place respectable dans la société romaine. En ce qui concerne Paul, cela lui a permis de recevoir une éducation académique. Il sait lire, écrire et parle plusieurs langues. Paul est né à Tarse et parle grec. Les autres disciples de Jésus, ceux qui l'ont côtoyé personnellement, n'ont jamais quitté Jérusalem. Paul s'avère être un bien meilleur ambassadeur qu'eux hors de Judée. Et ce faisant, il reste protégé par ses droits de citoyen aux quatre coins de l'Empire. Paul voyage librement et colporte l'histoire de ce nouveau Messie ressuscité. Paul fait une chose inédite pour son temps. Il consacre toute son existence à voyager et à porter le message de Jésus au-delà de Judée. C'est lui qui va donner au christianisme son élan expansionniste, évangélisateur et prosélyte. Bien décidé à propager son message, Paul va exploiter un des fondements du monde romain. Une minuscule créature va permettre d'en révéler la nature. Ce petit gastéropode marin a joué un rôle là-dedans. C'est un murex. On en extrayait la pourpre de Tyr, une teinture violacée dont raffolaient les nobles romains. Sous l'Antiquité, ces mollusques abondaient le long des côtes méditerranéennes. La pourpre de Tyr était très recherchée parce qu'elle était hors de prix. Il fallait quelque chose comme 12 000 mollusques pour extraire 1,5 mg de teinture. Outre le prix, cette teinture avait pour caractéristique non pas de perdre de son éclat au contact du soleil, mais d'en gagner. C'est pourquoi c'était une des couleurs les plus prisées de la haute société romaine. D'ailleurs, à un moment, seuls les empereurs romains ont eu le droit d'en porter. C'est vous dire. Ce petit mollusque permettait donc d'obtenir une teinture qui alimentait une activité économique importante et prospère. Or, le commerce était un des piliers de l'Empire romain. C'est de la soie ? Oui. Combien ? Pour cette étoffe, 65. 65 ? Oui. Aujourd'hui encore, cette teinture et les étoffes qui en sont imprégnées sont très chères et tout aussi convoitées que sous l'Antiquité. Mais ce n'est qu'un élément parmi les milliers de produits qui étaient importés depuis l'est du bassin méditerranéen vers l'ouest au sein d'un vaste réseau commercial. Aujourd'hui, comme à l'époque, ces étoffes sont loin d'être données. Mais je vais quand même essayer de négocier encore un peu. 65. Oui. C'est grâce à ce réseau commercial étendu que Paul voyage. Et il ne va pas opter pour la voie terrestre pour ses déplacements. Si les Romains avaient bien établi des routes commerciales dans tout l'Empire, l'axe majeur des échanges commerciaux s'est développé sur le lieu d'origine de la teinture issue du murex, c'est-à-dire la mer. C'est la mer qui a fait de l'Empire romain une société du mouvement. Sur la pierre tombale d'un marchand turc datant du 1er siècle de notre ère, on peut lire que cet homme s'était rendu 36 fois à Rome, à 1500 km de chez lui, au cours de sa vie. Dans l'est de l'Empire, le mode de déplacement le plus rapide et le plus efficace est donc le bateau. Il se trouve qu'au temps de Paul, le trafic maritime est en plein essor. Le 1er siècle après Jésus-Christ correspond à une période de paix relative, plus connue sous le nom de Pax Romana. C'est l'empereur Auguste Ier qui l'a instauré. Auguste a rétabli l'ordre et l'union de l'Empire après sa victoire sur Marc-Antoine et Cléopâtre, mettant fin à une âpre guerre civile. L'empereur mène également une lutte sans merci contre la piraterie, ce qui va favoriser le développement du commerce maritime en Méditerranée. C'est le moment idéal pour répandre de nouvelles idées. Et c'est le chemin qu'emprunte le christianisme. Les sources bibliques racontent que les premières communautés chrétiennes se sont établies dans les cités portuaires romaines. Il existerait même un individu clé au cœur de ce réseau. Cet individu permet de mettre en lumière un autre facteur crucial de l'expansion chrétienne, les femmes. Voici Lydia, la toute première européenne que Paul ait convertie. Lydia est marchande. Elle vend des étoffes teintées à la pourpre de Tyr. On a ici l'exemple d'une femme indépendante, à la tête de sa propre entreprise et possédant certainement un réseau de partenaires commerciaux conséquents. Elle incarne assez bien ce grâce à qui le message chrétien a été transmis et comment il a été transmis. Chose qu'on a du mal à déterminer sans ce type de personnage pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Voici comment le réseau de notre femme d'affaires a pu s'étendre. Elle achetait ses étoffes en Asie mineure, autrement dit en Turquie. Elle les revendait dans un port de la Méditerranée, Philippe. Enfin, ses produits étaient acheminés vers l'Occident par la Via Ignatienne et vers l'Orient par la route de la soie. Il existait donc déjà un réseau de communication et d'échanges commerciaux et économiques global. Lydia a donc certainement joué un rôle dans l'entreprise d'évangélisation chrétienne. À l'époque, il n'était pas si surprenant que ça de voir des femmes tenir des rôles aussi importants dans la société. On a la preuve que certaines femmes tenaient des rôles importants au sein d'organisations religieuses ou commerciales dans les villes de l'Empire. Elles avaient un statut social élevé et il n'était pas si rare que ça de voir des femmes occuper ce genre de poste de pouvoir. Dans la société romaine de l'époque, les hommes sont en charge de tout ce qui est lié à la sphère publique. Mais à la maison, les femmes règnent. Ce qui n'est pas de tout repos. Cela équivaut à diriger un micro-empire. Une famille romaine ne comptait pas que deux parents et leurs enfants, mais les aïeuls, les frères et sœurs, ainsi que leurs enfants, sans oublier les esclaves, le personnel et les proches. Il se trouve qu'au début, les chrétiens se réunissaient dans les maisons, et cela explique l'importance du rôle des femmes. Ils ne disposaient pas d'un lieu de culte à l'époque. Et comme la maison était le domaine exclusif des femmes, il me semble évident qu'elles aient joué un rôle majeur au sein de ces premières maisons de culte. Grâce au prosélytisme de Paul et de ses pairs, aux axes commerciaux, aux femmes et à leur réseau domestique, le christianisme va se développer à la manière d'un mouvement populaire, discret et modeste, mais néanmoins très efficace, comme en témoigne sa répartition géographique. Je ne saurais vous dire combien il y avait de chrétiens convertis à cette époque. En revanche, je peux vous montrer leur propagation géographique sur une carte. Des recherches récentes ont identifié des communautés à Jérusalem et à Antioche durant les premières décennies qui ont suivi la mort de Jésus. Moins d'un siècle plus tard, on en trouve en Grèce, en Asie mineure, autrement dit en Turquie, en Égypte et, bien sûr, en Italie. Et dès la moitié du IIIe siècle, l'expansion a continué pour englober la région des Balkans, une partie de la France, de l'Espagne, de la Grande-Bretagne, de vastes franges d'Afrique du Nord et même plus à l'est, sur une grande partie de l'Asie mineure et jusqu'à la Syrie. Aujourd'hui, le christianisme est présent sur pratiquement la moitié du monde. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est que le christianisme aurait très bien pu disparaître durant l'ère romaine. Au cours de mon enquête, je dois constamment me souvenir d'un paramètre. Tous les premiers disciples de Jésus étaient juifs. Autrement dit, ils étaient hébreux, vénéraient le Dieu des Hébreux dont le temple se trouvait à Jérusalem, et ils respectaient les fêtes juives. Pour l'individu lambda de cette époque, il n'était qu'une étrange secte juive de plus parmi tant d'autres. Or, à l'époque, tous les juifs ont un ennemi commun. Les Romains. En 70 après Jésus-Christ, l'armée romaine mate une rébellion à Jérusalem et réduit en poussière le grand temple juif et surtout son Saint des Saints. C'est la pire transgression possible pour le peuple juif. Ce dernier ne l'oubliera pas. Ce qui me ramène à un autre tournant potentiellement majeur dans l'expansion du christianisme. On l'a déjà vu, Jésus n'était pas le seul messie de son temps. À tel point que certains d'entre nous pourraient très bien vénérer un certain Simon. En l'an 132 de notre ère, environ un siècle après la crucifixion de Jésus et 60 ans après la destruction du temple de Jérusalem, une autre révolte éclate en Judée. Cette fois, la légende raconte qu'on trouve à sa tête un homme surnommé Shimon bar Korba, en hébreu, soit Siméon ou Simon, fils de l'étoile. C'est le nouveau messie des Juifs. Mais un épais mystère entoure ce personnage. Tâchons d'abord d'étudier les preuves de son existence historique. Bar Korba est l'élément déclencheur de la rébellion. Mais surtout, il incarne l'hypothèse d'un messie rival de Jésus. Je veux voir les preuves de l'existence de cet individu afin de mieux cerner son importance. On y va! Boaz, je suis venu au musée d'Israël pour en savoir plus sur Bar Korba. D'accord. Vous avez des objets ayant appartenu aux rebelles ? Tout à fait. Le professeur Boaz Zissou dirige des fouilles archéologiques en Israël depuis 22 ans. Grâce à son travail et à celui de ses confrères, on a un aperçu de ce à quoi la vie ressemblait dans les camps des rebelles. Plus fascinant encore, on a retrouvé des pièces qui auraient été frappées pour servir de monnaie officielle à un nouvel État souverain. Ils avaient récupéré des pièces romaines, en avaient effacé les gravures initiales, puis les avaient recouvertes de leurs propres symboles et inscriptions. La démarche était radicalement nationaliste. J'imagine que ça n'a pas dû plaire à l'Empire romain. Ce sont ces pièces ? Oui, voici les fameuses pièces. Falsifier de la monnaie impériale était un acte de défiance absolu. En quoi ces pièces et le personnage de Shimon bar Korba sont-ils reliés ? Sur les inscriptions, on découvre que Simon est désigné comme le prince d'Israël. On lit très précisément que Shimon s'est autoproclamé Simon, prince d'Israël. En lui-même, ce titre a une forte connotation messianique. J'ai donc la preuve sous les yeux que ce Simon était aussi un messie. L'étoile gravée au-dessus du temple de Jérusalem le relie à son surnom, Fils de l'étoile, que les écritures juives identifient comme le nom du futur messie juif. Tous ces éléments réunis nous permettent de comprendre que Shimon Bar Kokhba s'était lui-même proclamé Messie et représentait une menace sérieuse pour l'Empire romain. Voilà un Messie bien différent de Jésus. Un homme avide de pouvoir, tout autant politique qu'économique. L'existence de ces pièces de monnaie prouve que Bar Kokhba avait l'intention de remplacer la loi romaine par la loi juive. Il voulait reconquérir Jérusalem. Il comptait rebâtir le temple. Il voulait chasser les Romains hors de Judée et fonder un nouvel État. C'était donc un messie qui plaçait l'action et la conquête militaire au centre de sa mission, au même titre que la reconstruction du temple. Comme me l'apprend Boaz, Simon a reçu le soutien massif du peuple juif, contrairement à Jésus et ses apôtres. Boaz veut me montrer la preuve irréfutable de l'existence de ce messie. Laquelle preuve nous éclaire également sur les premiers chrétiens. C'est dans la gorge de Wadi Mourabahat qu'on trouve de nombreuses grottes ayant servi de cachette aux rebelles juifs. En 1952, c'est dans l'une d'elles que les archéologues ont fait une découverte extraordinaire. Boaz m'avait prévenu que l'accès était assez sportif. Et je confirme. Surtout pour la dernière portion qui mène aux grottes. On comprend mieux pourquoi les rebelles juifs avaient élu domicile en haut de ces falaises. D'ici, ils pouvaient repousser n'importe quel type d'attaque ennemie. Dans la légende, Bar Kokhba est l'homme au centre de la dernière révolte juive contre les Romains. Et nous sommes ici parce que c'est dans cette grotte qu'on a trouvé une des preuves évidentes de son existence. C'est bien ça? Tout à fait. Pour la première fois, on détenait une preuve concrète attestant de l'existence de ce chef des rebelles. L'en-tête de ce texte nous révèle également son nom. De Shimon Ben Kokhba. Voilà son vrai nom. Shimon Ben Kokhba, et non pas Shimon Bar Kokhba. C'est écrit noir sur blanc ici. Juste une minute. C'est une lettre authentique. Oui, écrite de sa main. Exactement. Retrouvée dans cette grotte. Retrouvée dans cette grotte, sous ce tas de pierres. J'ai sous les yeux la preuve que Bar Kokhba, fils de l'étoile, n'est pas qu'une légende, mais bien un individu dont le nom ressemblait fortement à celui que les Écritures saintes attribuent au Messie juif. Il s'appelait Simon Ben Kokhba. Dites-moi, qu'est-ce que ça dit exactement? Ces lettres révèlent également un indice concernant l'opinion de Simon envers les chrétiens. Voilà le mot qui fait débat, ifased. C'est un mot problématique parce qu'il n'existe pas dans la langue moderne. Et on peut lui attribuer plusieurs sens. Quel sens? Il y a deux significations, mobiliser ou détruire. Bar Kokhba donnait soit l'ordre d'éliminer, c'est ça. Éliminer qui? Là, on lit Glalaim, ce qui veut dire les Galiléens. Mais qui était-il? Eh bien, on désignait parfois les chrétiens comme des Galiléens. On appelait parfois les chrétiens des Galiléens parce que Jésus et ses premiers disciples étaient originaires de cette région. Si le mot ifased signifie bien éliminer, on a ici la preuve que Bar Kokhba incitait clairement à la persécution des chrétiens. C'est prodigieux. L'archéologie est formidable, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis époustouflé. L'homme autoproclamé Messie juif a peut-être eu une attitude agressive envers les premiers juifs convertis au christianisme. Cela dit, ce ne sont pas les premiers signes de désaccord entre juifs et juifs convertis au christianisme. Ils auraient commencé dès le milieu du premier siècle de notre ère. Aussi bien dans le 15e article du Concile de Jérusalem qu'à travers les actes de l'apôtre Paul, on trouve les signes d'un changement radical concernant l'identité des gens susceptibles de rejoindre ce nouveau peuple, cette nouvelle entité sociale et spirituelle. Quand les apôtres, les premiers disciples de Jésus, et Paul, l'apôtre itinérant, se retrouvent, il s'avère évident que Paul a colporté avec ferveur un message sensiblement différent de celui de Pierre et des autres apôtres. C'est la raison pour laquelle ce premier concile chrétien a eu lieu. Et ce qui va en ressortir va façonner la relation entre le christianisme et l'Empire romain. La controverse serait venue du fait que Paul aurait converti les non-juifs, des païens appelés les gentils, à la foi chrétienne. À ses yeux, nul ne doit se convertir au judaïsme pour rejoindre le mouvement de Jésus. C'est loin d'être un détail sans importance, surtout pour les hommes. Paul estime que ces hommes, les gentils, n'ont pas été circoncis. Chez l'homme adulte, la circoncision n'était pas une procédure bénigne. C'était extrêmement douloureux et surtout assez risqué en ces temps antérieurs à l'avènement de la médecine moderne. Les autres apôtres de Jésus, notamment leur chef, Pierre, font œuvre d'évangélisation comme Paul. Mais leur croyance semble beaucoup plus traditionnaliste. Au nombre de ses détracteurs, Paul propose une sorte de judaïsme allégé afin, d'après eux, de convertir un maximum de croyants en leur facilitant l'accès à la foi chrétienne. Il ne leur impose pas de se soumettre d'abord à la loi juive avant de devenir chrétien. En somme, se convertir au christianisme était moins fastidieux que de se convertir au judaïsme. Et c'est la démarche de Paul qui va l'emporter. L'impact de ce concile sera immense. Les gentils, ces non-juifs, peuvent se convertir au christianisme. Cela veut dire que ce courant religieux s'ouvre à tous les habitants de l'Empire romain. Pour les chrétiens, c'est un tournant capital, mais également le premier pas qui va éloigner leur courant de ses racines juives. Lorsque Bar Corba lance sa rébellion, les chrétiens ne rejoignent pas les rangs des rebelles et, surtout, ils ne reconnaissent pas Simon comme leur messie. Simon a donc le soutien du peuple juif et veut conquérir le pouvoir aussi bien économique que politique. C'est une menace directe pour l'Empire romain. De son côté, Jésus a clairement séparé l'Église de l'État. Dans la Bible, il dit « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Les disciples de Jésus forment encore un mouvement populaire confidentiel. À ce stade de l'histoire, on peut même se demander pourquoi on n'a pas autant entendu parler de Simon que de Jésus. Eh bien, la réponse est « à cause des Romains ». Les rebelles de Bar Corba vont lutter pendant 3 longues années contre la répression romaine. Mais l'empereur finit par se résoudre à envoyer ses troupes d'élite pour mater la révolte. Face aux rebelles, un tiers de l'armée romaine avance tel un rouleau compresseur. La défaite devient alors quasiment inévitable. D'après un historien romain, plus d'un demi-million de juifs sont tués. L'avenir de Simon s'assombrit considérablement. Quand Bar Kokhba meurt sous un coup de glaive romain à la forteresse de Bétar en 135 de notre ère, sa carrière s'arrête et sa trace disparaît assez rapidement car personne n'attache d'importance à l'héritage de sa lutte. La révolte juive et son messie ont échoué. Simon passe du statut de fils de l'étoile à celui de Simon, le menteur. « son rêve de bâtir à nouveau le grand temple de Jérusalem, le sacro-saint lieu de culte du judaïsme, meurt en même temps que lui. Le temple ne sera jamais reconstruit. Tout ce qu'il en reste aujourd'hui se trouve au détour de cette rue. Voici le mur des Lamentations, le dernier vestige du Grand Temple. C'était le mur extérieur occidental du Temple de Jérusalem qui abritait le Saint des Saints. C'est aujourd'hui le lieu le plus sacré au monde pour tous les Juifs de la planète. C'est un privilège rare de s'en rapprocher comme je m'apprête à le faire. La destruction du temple est un désastre pour les Juifs, car elle met fin à la méthode traditionnelle de vénération du Dieu des Hébreux. Elle a changé la structure même du judaïsme en marquant l'oblitération d'un Dieu fondamental qui attirait les pèlerins juifs non seulement de Judée, mais du monde entier. Je suis venu ici pour la valeur historique de ce lieu, mais je dois me rendre à l'évidence. Quelle que soit sa sensibilité spirituelle, on est forcément saisi par le caractère sacré et l'émotion qui s'en dégage. Officiellement, les croyants juifs ne seront pas autorisés à se rendre sur ce site sacré avant 1967, 1800 ans après en avoir été chassés. Après la défaite de Simon, les Romains détruisent également toute la ville de Jérusalem. Jérusalem connaît une fois de plus un destin tragique. Les Romains rasent la ville des Juifs et reconstruisent par-dessus une colonie païenne, Aelia Capitolina. Et pour couronner le tout, ils bâtissent un lieu de culte païen sur les ruines du temple sacré. C'est l'insulte suprême pour le peuple juif. Je ne peux m'empêcher de penser que la défaite de Simon a contribué à diviser davantage chrétiens et juifs. Rien ne nous permet de dire ce que les chrétiens pensaient de Bar Kokhba, mais sa défaite leur a certainement confirmé l'idée que le judaïsme avait échoué et que l'avenir s'annonçait beaucoup plus radieux pour eux que pour les juifs dont cette défaite semblait annoncer le déclin. Simon avait menacé les Romains militairement, économiquement et politiquement, et les Romains l'avaient écrasé. Les disciples de Jésus, quant à eux, ont gardé leur distance avec la politique et ont survécu en prenant des valeurs spirituelles comme l'humilité, la pauvreté et la souffrance. Pas de quoi inquiéter les Romains. Enfin, a priori. Environ 60 ans avant la rébellion de Simon, la secte chrétienne discrète est tout de même assez visible pour attirer l'attention du citoyen romain le plus puissant de tout l'Empire, l'empereur lui-même. En 64 après Jésus-Christ, un incendie dévastateur dévore la cité de Rome. Trois des 14 régions administratives de la ville sont entièrement détruites et seules 4 d'entre elles échapperont aux flammes. Il faudra 6 jours pour venir à bout des flammes dévastatrices. Ce feu devient un véritable cauchemar politique pour l'empereur en place, Néron, que la rumeur publique accuse même d'avoir personnellement allumé le premier feu. L'empereur n'a jamais caché son désir de changer radicalement le visage de Rome. Et cet incendie lui offre un canevas presque vierge pour aller au bout de sa vision démiurgique. La réponse de Néron aux rumeurs représente un autre tournant pour le christianisme. Tous les doigts sont pointés sur lui, alors il a besoin d'un bouc émissaire. Dans les recueils d'histoire qu'il rédigera un demi-siècle plus tard, Tacite accuse l'empereur Néron d'avoir volontairement désigné les chrétiens comme responsables. D'après Tacite, durant les années qui suivent l'incendie, Néron s'acharne sur les chrétiens. Ils sont crucifiés, brûlés vifs et subissent les pires châtiments. Que le témoignage de Tacite soit entièrement et historiquement exact importe peu. Ce qui compte, c'est qu'à partir de là, ce sont les chrétiens et non plus les juifs qui sont désignés comme différents. Ils sont bannis et montrés du doigt pour la première fois comme les nouveaux ennemis de l'État. Le caractère criminel de cet incendie, qu'il soit du fait des chrétiens, de Néron ou de quelqu'un d'autre, est loin d'être évident. À l'époque, la majorité des habitants de Rome vit dans ce type de bâtiment. C'est une insula, un immeuble d'habitation collective. Celui-ci date des deux premières décennies du IIe siècle. En termes de sécurité et de santé publique, ces immeubles étaient de véritables cauchemars. Surpeuplés, mal construits, trop hauts, leur rez-de-chaussée accueillait souvent des échoppes. Il y avait beaucoup de bois à l'intérieur et on y cuisinait sur des foyers ouverts, donc les risques d'incendie étaient très élevés. Si j'étais agent immobilier au temps de la Rome antique, je vous déconseillerais vivement d'acheter ce genre d'appartement. Mais l'insula offre l'avantage de pouvoir loger un grand nombre de personnes sur une surface au sol réduite. Pour se rendre compte de la surpopulation des villes à la fin du 1er siècle, sachez qu'Antioche, troisième cité de l'Empire, comptait 117 habitants par acre, soit près de 30 000 habitants au kilomètre carré. En comparaison, New York compte aujourd'hui un peu plus de 10 000 habitants au kilomètre carré. Et la Rome actuelle, environ 2 000. Malgré les persécutions de Néron, le nombre de chrétiens continue de croître à Rome. Une étude récente a même dénombré qu'environ 25 communautés chrétiennes habitaient dans ces insulae au détour du IVe siècle. Cela dit, tout le monde n'a pas survécu au règne de terreur de Néron. D'après la tradition chrétienne, les apôtres Pierre et Paul auraient tous deux été victimes de ces persécutions. Si c'est bien le cas, ça indique que cette première génération de chrétiens était sur le point de disparaître. Et c'est peut-être ce qui a incité leur communauté à conserver une trace écrite de leur tradition et de leurs croyances religieuses. Les accusations de l'empereur Néron ont donc peut-être été bénéfiques au christianisme. Face à la disparition des apôtres, gardiens originels de la mémoire de Jésus, les chrétiens se sont mis à compiler leurs paroles et leurs enseignements. Les premiers évangiles, autrement dit les fondements de la future Bible chrétienne, datent justement de cette époque. Les chrétiens ont commencé à se rendre compte par eux-mêmes et à travers le regard des autres qu'ils n'étaient pas assimilés à la diaspora juive, que ce soit au niveau social, institutionnel ou politique. Ils formaient une communauté à part avec ses propres institutions, ses organes de pouvoir et de décision, mais aussi sa propre relation avec l'autorité romaine. On ne saura certainement jamais si Néron a vraiment initié cet incendie, mais ça ne change rien au fait qu'après son règne, les chrétiens se retrouvent dans le collimateur des Romains. Une position somme toute assez inconfortable. Néron se suicide 4 ans après le grand incendie de Rome. Et bien que ses successeurs feront tout leur possible pour effacer sa trace des tablettes de l'histoire, allant même jusqu'à recouvrir ses jardins privés en y construisant le célèbre Colisée que voici, l'anathème qu'il a jeté sur les chrétiens va, semble-t-il, survivre sournoisement dans la conscience politique et collective de Rome. It's C'est un autre monde qui s'offre à cette religion émergente. Plus leur nombre grandit, plus les chrétiens vont dessiner les contours de leur identité et de leur doctrine, s'éloignant toujours plus de leurs racines juives. Malgré cela, les accusations de Néron ne tombent pas dans l'oubli et reviendront même les hanter. Car un petit siècle plus tard, les disciples de Jésus se retrouveront dans des lieux comme celui-ci, mais pas dans les tribunes. Le pouvoir romain n'en a pas fini avec les chrétiens.